Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'Abba, une secret du son d'Abba un peu spécial ce soir, car on reçoit Jessica 93. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale. Monsieur Melon est resté en rade en Bretagne, au centre-Bretagne, mais surtout à Rennes. Et donc on commence tout de suite et on écoute tout de suite un extrait de Jessica 93, extrait de son premier EP qui était sorti en 2011, fin de septembre 2012, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, et on écoute l'extrait Seul contre tous. Jessica 93 dans le secret du son de bas, c'est maintenant. Voilà, on vient d'écouter Jessica 93 hein, avec le morceau Seul contre tous. Voilà, Jeff, donc qui représente à lui seul Jessica 93. C'est merveilleux ça quand même, de pouvoir tourner en solo, tranquille, peinard, je prends le train. Ça a ses avantages et ses inconvénients, je dirais. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi les minots dans le train qui t'empêchent de dormir? Non, c'est juste de tourner tout seul, ça, c'est particulier. Ouais. C'est vachement plus marrant d'être en groupe, en fait, des fois. J'imagine. Alors, Jessica 93, on vient d'écouter un extrait du premier EP qui est sorti courant 2012, ouais. Septembre 2012. Il avait été enregistré en août 2011. C'est quoi la genèse de ce projet? Eh ben, en fait, c'est sous les bons conseils d'un bon ami à moi qui s'appelle David Snug, de Caen. Illustrateur, dessinateur, bande dessinée. Bande dessinée, qui a un groupe qui s'appelle Trotsky Nautique, qu'on écoutera plus tard. Et qui m'avait suggéré... ça serait une bonne idée que je me mette en solo, parce que c'est vrai qu'à l'époque, avec les groupes que j'avais, c'était un peu compliqué, avec les gens qui travaillent, ceux qui font des études. Il m'avait dit, mais tu sais, tu te ferais moins chiant tout seul, tu pourrais faire ce que tu veux, il n'y aurait pas de limite. Et il m'a un peu forcé, il m'a fait faire mon premier concert. C'était quand ça, en fait? Ça, c'était 2010, je dirais, début 2010. Sur Paris. Ouais. Donc t'es originaire de Paris. Ouais, je suis originaire de banlieue, ouais, même du 93 du coup. Et les premiers concerts c'était un peu catastrophique, c'était pas du tout. Ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Et mais il s'est acharné à me pousser au cul pour que je le fasse, et puis en fait finalement, voilà. Ça aboutit. Ouais, fil en aiguille. En 2010, tu jouais dans quel groupe à ce moment-là? Eh bien, je jouais dans Louise Mitchells déjà. Mm-hmm. Ensuite, j'avais toujours Miss Fist. Et il y avait un autre groupe qui s'appelait Mobilette Facile. Mobilette Facile. Ouais. Je connais pas. C'est un groupe de stoner qui a pas duré très longtemps. On a dû jouer 2 ans. D'accord. Comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Alors, parce que moi, je te connaissais quand tu jouais dans Louise Mitchell. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, on est sur quelque chose de assez différent, que ce soit dans l'atmosphère, mais aussi dans la musique. Qu'est-ce que tu voulais éventuellement exprimé en tout cas dans Jessica 93, qu'est-ce que... Pas rien de particulier, c'est venu à cause du matos que j'utilise en fait. C'est pas... Et tu utilises quoi comme matos? C'est juste une pédale de loop avec une boîte à rythme et puis une guitare et une basse. C'est assez simple, mais en fait je travaille du coup avec des loops. Et c'est ça qui fait que je fais des chansons à rallonge de 10 minutes qui tournent en boucle, parce que je peux pas faire autre chose en fait. Après... je pense que quand on écoute Miss Fist ou Mobilette Facile ou ces trucs là, c'est pas très loin. Enfin, Louise Mitchell c'est différent parce que c'est une autre sensibilité avec, vraiment différente, qui est plus No Means Snow, du rock comme ça, qui est pas vraiment ma tasse de thé à la base quoi. Moi je suis plus dans les trucs, effectivement, plus je sais pas, glauque et punk. Post-punk, cold wave. Ouais, voilà, grunge et shoegaze quoi. Et donc c'est venu comme ça, ouais. J'ai pas vraiment tilté un style en me disant tiens j'ai envie de faire ça. D'accord. C'est venu tout seul. Et donc t'as enchaîné les concerts en 2010-2011, et puis à un moment donné une envie d'enregistrement. C'est ça. Comment ça s'est passé l'enregistrement? Eh bien Robin m'a proposé d'aller enregistrer chez lui là. Alors Robin c'est... Alors Robin de Grand Prédateur qui joue aussi dans un projet solo qui s'appelle How Do You Dance. On va écouter ça. Et en fait il a un home studio dans son grenier qui est mortel. Ouais. Il y a le Réveil des Tropiques qui est enregistré là-bas aussi. Il y a Abject Object de Paris aussi. Pas mal, hein. Ça sonne tous ces disques là. Ouais. Et bref, j'ai passé 4 jours avec lui là-bas. On se connaît bien, j'avais déjà été chez lui. On fait pas mal de tournées ensemble. C'est un bon pote, et du coup, voilà, on a passé 4 jours à enregistrer. Et du coup, voilà, ouais, c'était dans l'idée de faire un vinyle. Ça. D'accord. C'est-à-dire, au moment où tu es rentré et en studio, enfin, entre guillemets, dans une phase d'enregistrement, vous étiez décidé à sortir un disque physique, etc. C'était dans le but, ouais. Ok. Parce que ça. T'as l'impression que c'était déjà. C'est toujours compliqué hein, d'avoir ce recul-là, mais on te disait éventuellement, là je pense que c'est bon, il faut passer à autre chose. Ouais, en tout cas, faut coucher les disques sur une bande. Ouais, c'est ça. On me disait que j'avais un pauvre CDR de 3 chansons qui circulait, et avec des chansons que je jouais plus forcément non plus. Donc c'était la suite logique en fait. Ouais. D'accord. On parlait de Robin, on va écouter maintenant How Do You Dance. Robin, il est batteur de Grand Prédateur. Ouais, Alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite fortement à écouter ce génial groupe qui mélange, alors c'est un projet hyper étrange, on a pu l'écouter dans Le Secret du Son d'Abba lors de la sortie de leur 10 pouces, et un mélange de, je sais pas, de heavy metal et de mat rock, mais complètement halluciné, et vraiment complètement génial. On va écouter son projet presque électro, est-ce que tu peux le présenter ? Eh ben c'est... ouais, c'est une espèce de dance floor complètement tordu avec des touches métal hard rock à l'ancienne. Et ouais, il sait très bien foutre le feu au dance floor. Au dance floor, y a pas de problème avec ça quoi. On écoute How Do You Dance avec le morceau Tectonique dans Le Secret du Son de Bas. À tout de suite. à l'instant dans le secret du son d'abat, Klaus Legal. Un petit mot sur Klaus Legal, Geoff. Ouais, alors c'est le groupe, le projet solo de Pavel qui était guitariste à l'ancienne de Death to Pigs et qui joue maintenant dans Judas Donje avec Dominou de des Suspendus. Des feux suspendus. Qui joue ce soir, qui joue ce soir à Rennes. Voilà. Bon, petite pensée à l'équipe de Cafoul, les copains. Et donc juste auparavant, How Do You Dance avec le morceau Tectonique, avec Robin qui a enregistré donc ton premier disque sous le nom de Jessica 93. C'était sorti sur une pléiade de labels. Et mon cul, c'est du tofu. Oui Oui Records. Corn Dog que je connais pas, Tandoori, Gâteau Blaster. Ensuite il y avait. Il y a Attila Tralala aussi. Et la Belle Brique. Voilà. Pourquoi ? Parce que souvent aujourd'hui ça pose en, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de la musique et la scène indé, souvent ils comprennent plus trop pourquoi il y a autant de labels pour sortir de disques. Est-ce que tu peux expliquer éventuellement ? Eh bien, et c'est quoi le sens derrière ? Un souci déjà économique pour les petites structures qui sont pas forcément des vraies structures officielles, donc qui n'ont pas forcément les moyens de participer à des disques à plus de 500 euros par exemple. Donc toujours, c'est toujours bien de pouvoir filer un peu, genre entre 50 et 150 et récupérer à prix coûtant les disques et pouvoir les revendre. Et ensuite, c'est aussi beaucoup des affaires de cœur parce que voilà, c'est pratiquement tous des potes. Il y a David Snug, il y a Antonin qui est à Bruxelles, qui est un super pote. C'est l'idée de partager un projet, quoi, et de le soutenir. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. Puis après, c'est aussi, c'est surtout pour les premiers disques et tout, c'est vachement simple parce que niveau diffusion, le disque est vachement éclaté d'un coup, quoi. Exactement. Ça reste pas que c'est sur Paris. C'est-à-dire que chaque mec souvent qui soutiennent, souvent, je parle de personnes derrière le label parce que souvent on est un peu en solo. Ouais. On en parlait tout à l'heure en off et souvent ça permet en effet une diffusion rapide dans les réseaux plutôt indé et alternatifs. Et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui tu prépares un nouvel album, ouais. Est-ce qu'il est enregistré hein? Oui, il est enregistré, je finis la pochette et il devrait sortir d'ici un mois. Voilà, ça sort sur Musique Fear Satan. Voilà, Teenage Menopause et Mon QC du Tofu aussi. Voilà, donc c'est-à-dire trois labels, parisiens. Bruxelles, Teenage Menopause sont... sont entre Paris et Bruxelles, ouais. Voilà. Teenage Monopose, c'est aussi le label de JC Satan, c'est qui ça. A pu passer par Lorient dernièrement lors d'un super concert avec Electric. Et Musique Faire Satan, qui est un label distro magasin depuis maintenant 2 ans, sur Paris, plus connu pour une affiliation plus post-hardcore métallique, etc. Sludge, on dirait. Comment tu t'es retrouvé avec ces personnes-là pour préparer ce nouvel album ? Eh ben, assez naturellement, on se croisait, on en discutait, et puis... C'est vrai que c'était pas forcément une évidence pour Musique Faire Satan par exemple de participer à ce disque là parce que c'est mais lui je pense qu'il avait envie d'ouverture aussi. On l'a vu avec Ravé des Tropiques. Voilà exactement. Et je pense qu'il a envie de continuer dans ce truc là, un peu de dépasser les frontières du style qu'il avait déjà avec tous les disques qu'il avait sortis. Dernièrement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du nouvel album et de la différence si tu... On va écouter des morceaux ce soir en live au studio MAPL à Lorient et à Rennes demain et à Saint-Nazaire dimanche. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Qu'est-ce que tu as voulu faire évoluer dans ta musique ou pas ? Alors, je pense que je tends plus à des formats plus courts déjà. Ouais, t'es presque punk maintenant. Parce que là, je suis passé de 4 morceaux à 6. Waouh. Je fais un effort là-dessus. Après... Mais c'est un double album, c'est ça que tu voulais me dire. Non, ça reste un simple. Mais... Et donc, ouais, je sais pas. Pour l'enregistrement, on a voulu garder le côté live. T'as réenregistré avec Robin Non, j'ai enregistré avec un pote dans le 93 qui s'appelle Vincent. Qui fait du très bon boulot, qui a enregistré le dernier Louis Mitchell en date. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était... Le premier album a été enregistré avec des amplis, des vraies batteries, pour certains morceaux. Chose que je ne fais pas en live. Moi en live je passe direct dans une sono, j'ai une boîte à rythme et j'ai pas d'ampli guitare et tout. Et donc on a voulu faire ça sur le prochain. Et donc il est plus proche du son que je peux avoir en live en fait. Son un peu cradingue, un peu froid comme ça, la Immortal, la black metal. Donc voilà. Un peu plus, ouais, un peu plus froid, plus black metal. C'est quelque chose de, que vous avez réfléchi, que vous avez travaillé un petit peu. Moi je voulais pas recommencer. Ouais en fait. Oui, je voulais essayer de retrouver le plus fidèle du son que j'ai en live en fait. Et ça demande qu'il n'y ait pas d'ampli. Quelque chose qui est marrante pour un. Je sais pas. Non, ouais. Si. On va revenir à ta participation à d'innombrables projets annexes ou j'en sais rien. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas un plus principal si ce n'est que Jessica 93. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu me disais tout à l'heure, hors micro, que Trotsky Nautique. Tu fais un peu la boîte à rythme. Voilà, ouais. Est-ce que tu veux nous présenter ce projet? Eh bien, c'est donc David Snug et Aude qui ont. David Snug, je reviens, c'est celui-là qui t'a poussé vraiment à monter, enfin, avancer sur le projet Jessica 93. C'est ça. Et en fait, voilà, David Snug jouait, enfin, avait fait un disque qui est assez marrant avec un. Ça s'appelait Dr. Snug et MC Jacqueline. C'est du rap assez controversé, on va dire. Bon, bref, et en fait ouais c'est il joue de la zik depuis très longtemps, il a changé pas mal de noms, ça fait un moment que je joue avec lui, on a eu plusieurs noms de formation, comité des fêtes, il y a eu ça, c'est chouette, ça, c'est plus le temps gras, en fait c'est toujours les mêmes morceaux mais il change de nom à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui bouge ou qui rentre dans le groupe. Et là le dernier en date c'est Trotsky Nautique donc avec Aude et effectivement ouais quand je suis là, quand je peux être présent avec eux, bah oui je fais de la batterie avec les doigts sur la boîte à rythme. Voilà. On va écouter un extrait de Trotsky Nautique. J'en profite pour présenter le travaux de Mr. Snug. Quand il est illustrateur, il avait été pour le label Mon cul c'est du tout fou pour la sortie du Louise Mitchell The Famous NTM. Ça date de quand ce disque? J'ai plus la date. Ça doit être 2008 ou... 2008, voilà. Et c'est un illustrateur qui est basé à Caen actuellement. C'est ça. Et qui vient de sortir, tu disais tout à l'heure, sa 4e bande dessinée. C'est ça. Et c'est vraiment très très chouette. On écoute tout de suite Trotsky Nautique dans Le secret du son d'abat. Je me demande bien pourquoi le héros, quand il téléphone, il ne dit jamais au revoir au moment de raccrocher. Dans les films américains, dans les films américains, le gars a le bout du fil, il doit être bien énervé de se faire accrocher au nez par ce con d'inspecteur Harry. Dans les films américains, dans les films américains. Faut croire que dans le cinéma, ils ont un très gros melon. Ils se croient vraiment tout permis, même des fois d'être mal poli. Dans les films américains, dans les films américains. de retour à l'antenne avec Jessica 93 et donc Geoff au micro dans le secret de son abat. À l'instant, on vient d'écouter Misfits avec le morceau Tenir les murs. Ça, c'est un de tes autres projets. C'est ça. Que tu partages avec Mademoiselle Julia Judet. Voilà, qui est à la base donc un duo, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres personnes qui gravitaient autour. C'est ça. Ouais. Voilà, et qui a eu plusieurs formes jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. On vient d'écouter un extrait d'un des derniers disques. Ouais, c'est ça. Qui est sorti quand ? En septembre 2012. Voilà, qui est sorti aussi sur Et mon cul, c'est du tofu. Ouais. Voilà. Et d'autres labels, ouais. Voilà, et d'autres labels, un peu dans le même esprit que Jessica 93. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Qu'est-ce que tu peux présenter, en tout cas, de Misfits ? Misfits. Misfits, alors c'est un groupe qu'on a monté en 2007, je pense. Donc avec Julia Judet, qui est une illustratrice qui fait de la peinture et des petites poupées, des sculptures. Voilà, qui fait des pochettes magnifiques. Qui fait des pochettes avec Sébastien Lorraine, ils sont deux. On les a pas là ce soir, mais vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Et donc, on était trois au début avec Nico, qui joue dans Sex, Drug and Rebetiko. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est un groupe de reprises de chansons traditionnelles grecques. Ça, c'est qui sont basées sur Toulouse maintenant. C'est pas commun. Et bon, le groupe a évolué pas mal. Maintenant, on est. Donc, ce disque-là, on était 4. Et maintenant, on est plus que 2. On fait plus un genre de black metal ambiant récemment, quoi. D'accord. Et on va essayer d'enregistrer un truc. J'ai l'impression qu'à l'écoute de ce que j'ai pu entendre sur internet de ce projet-là, on est vraiment sur des choses très différentes. Ah oui, alors. D'un disque à l'autre, on est vraiment. C'est à travers les collaborations que j'ai l'impression que ça se construit. C'est ça. En fait, Misfits, c'est plus. Au-delà de juste faire de la musique, c'était un peu aussi une mise en scène. On avait des masques et des robes. Et c'était le but, c'était un peu de créer des ambiances. Beaucoup de gens nous parlaient, ça faisait musique de film, des trucs comme ça. C'était pas vraiment des modes chansons, en fait. D'accord. C'était ce qu'on a entendu là avec Tenir les mains. Voilà, ça c'est une chanson western, il y en a deux dans le disque, le reste est complètement différent. Il y a des messes sataniques, il y a un peu de tout. Enfin voilà, c'est, le but c'était vraiment de faire créer des ambiances, quoi. On poursuit avec un de tes groupes favoris, on va dire ça. Ouais. Avec qui tu joues de temps en temps, que moi j'ai pu voir par trois fois, c'est les Strasbourgeois de Edouard. Amiens. Amiens, excusez-moi. Oh là là, je vais me faire découper ils en sont morceaux. Moitié, non, ils sont à moitié de Strasbourg aussi. Ah voilà, c'est bon. De cœur, je pense qu'ils. Ouais, je suis pas complètement. Ils t'en vont pas, quoi. Et voilà qu'un quatuor. C'est ça. Voilà, parce que je les ai vus dans plusieurs types de formations. Noise, proto, indus, je ne sais quoi. Ouais. Bah écoutez le morceau Monsieur Sick. Tu peux les présenter en deux mots parce que les lives sont terribles. Ouais, alors Edouard, c'est un groupe qui a dû débuter en 2004, je pense. Ouais, c'est un vieux groupe. Ouais. Qui ont vraiment écumé la scène française et européenne. Européenne. Ils ont fait une tournée aux États-Unis aussi depuis vraiment longtemps. Plus ça va et plus leurs concerts sont survoltés. Ils sont vraiment acharnés sur scène et c'est vraiment un plaisir de se prendre ça en pleine face, quoi. C'est vraiment de la noise indus. Ils sont réputés pour avoir des guitares complètement défoncées sur lesquelles ils peuvent frapper et jouer. En fait, c'est super percussif et super énergique. Très tribal. Voilà. Ouais, ouais. On écoute Edouard dans le secret du son là-bas. À tout de suite. Yeah! Besoin d'aide dans le secret du son d'abat, de retour en direct live des studios MAPL pour cette soirée avec Jessica 93 et Camilla Sparks. Et on fait ces petites interviews là entre l'apéro et grand plat de résistance. Et on retrouve Jessica 90, mais Jeff là sous un autre projet. C'est ça. Qui s'appelle Besoin d'aide, tiré du split cassette. Sorti avec Jessica 93. C'est ça. Et le morceau, c'était Bombaclat. Est-ce que tu peux parler? Tu joues quel instrument dans ce projet-là? Guitare et chant. Et en fait, c'est un groupe qu'on a monté avec Pascal des Louis Mitchells, qui tient le label Mon QC Tofu. Et donc, c'était un projet qu'on a monté. On devait faire une tournée aux États-Unis là, l'été dernier avec Louis Mitchells, qu'on n'a pas pu faire avec Louis Mitchells parce que les batteurs étaient indisposés. Du coup, on a monté ce groupe-là pour aller là-bas. Donc, on a fait cette tournée là-bas. Vous avez joué où On a fait le Midwest, le Sud, et on est remonté par le Midwest. C'était cool dans le réseau Open que DIY. C'est ça. Okay. Et donc, depuis, on a fait pas mal de dates, une bonne tripotée de dates à Paris cette année, quoi. Voilà, pas de date dans l'Ouest parce que les retours des concerts parisiens sont extrêmement bons de mon côté, et on vous attend un petit peu dans l'Ouest maintenant, voilà, l'invitation est faite. Ça marche. On poursuit sur Et mon cul c'est du tout fou. On en a parlé déjà pas mal là depuis le début de l'émission. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce label qui s'annonce comme un label, une distro, un collectif du 9-3 qui sort des disques et qui fout la merde en filant tout en téléchargement gratos? C'est ça. Cousin. Alors ça s'explique tout ça. Alors en fait c'est un label que Pascal a monté en 2009 je crois. Et en fait oui, ce truc de téléchargement, c'est pour nous ça nous paraît plus logique en fait à l'heure d'internet de tout mettre en téléchargement. Ça permet aux gens de découvrir des disques, de les acheter après sans à la base elle était voilà. Et puis je sais pas, oui c'est un peu une question un peu compliquée pour certaines personnes, on a forcément des débats là-dessus, mais je pense que c'est honnête. De toute façon, tu trouves toujours tout sur internet. Exactement. Et se battre pour essayer que les gens achètent. Je pense que les gens, s'ils aiment, ils achèteront. S'ils ont envie d'avoir l'objet, quoi. Et s'ils n'ont pas envie de l'avoir, ils le trouveront forcément. Ils se feront copier. J'en sais rien. Donc le téléchargement, c'est un truc simple. Enfin, voilà. Naturel. Simple en tout cas pour. Mon cul, c'est du tofu, je vais y arriver. Et tout simplement, et tu vas parler de. Parce que c'est mettant en téléchargement libre, mais vous faites des beaux objets. C'est-à-dire l'idée, c'est de vous êtes attaché au disque, comme on peut l'être dans le secret du son d'abat. Il y a l'idée, on en parlait tout à l'heure, de participation de différents graphistes, etc. aux différents disques. Là, j'ai entre les mains, chers auditeurs, vous les voyez pas, mais le public nombreux du studio MAPL peut en parler. Voilà, j'ai la pochette de Yamam et la Muerte. Il amène la Muerte, un groupe du Mans. Voilà, il y a un effort clairement sur le graphisme. Là, c'est un vrai travail de sérigraphie, vraiment hyper beau. Je vais essayer de l'ouvrir. Est-ce que tu peux en parler de l'effort qui est porté au visuel? Ça, après, c'est chaque groupe. Nous, en tant que label, on n'impose rien. Le groupe décide, fait la pochette qui lui semble la plus appropriée pour son disque. Et il s'avère que dans les groupes auxquels on participe, ils sont tous dans la même optique, c'est de faire des beaux objets avec des belles pochettes. Donc tout ça se fait naturellement en fait. Vous tirez à peu près le label tire à peu près combien de copies là par ça dépend des disques. En général, c'est une vingtaine, trentaine d'exemplaires sur chaque disque. Ça peut être plus. Ça dépend. Il y a un peu de tout. Alors le label a sorti par ailleurs Chocolat Billy, Abject Object, Alligator, La Race, Marilyn Rambeau, toute une clique de groupes français qui sont un peu, je dirais, un peu obliques, un peu différents, pas forcément collés à une scène particulière. Ouais. Est-ce que c'est une volonté ou c'est juste un état d'esprit partagé? C'est il n'y a pas vraiment de volonté, c'est plus des rencontres, c'est des groupes qu'on croise, c'est des groupes qu'on connaît, c'est des groupes qu'on aime bien. Donc tout ça se fait naturellement. Voilà. On poursuit avec Judas Judas Donje. Donje. Donegger, ça dépend. Donegger, ouais, j'aime bien Donegger, moi. qui joue. Ce soir à Rennes. À Rennes. Est-ce que tu peux en toucher deux mots ? Oui, c'est le groupe de Pavel qu'on a écouté avec Los Legal. Ouais, c'est son et projet. Et de Domino, de ce groupe de Amiens qui s'appelait Les Suspendus, qui ça fait maintenant un an et demi qu'ils ont arrêté. Et voilà, donc c'est un duo avec des textes tirés de pas mal d'auteurs. Genre, ça peut aller de Beckett à je sais plus qui d'autre. Mais ils sont pas mal de gros friands de littérature. Ouais, Pavel aussi. Ouais, ouais. Et voilà, moi j'adore. J'ai déjà tourné avec eux plusieurs fois. C'est des bons potes. On écoute Judas Donegger dans Le Secret du Son là-bas, tout de suite. Hot in the blaze, my foe. rapport. Looking back over my life, oh Lord, I'm so depressed. Help me somebody, I need some rest. À l'instant, Jeff, dans le secret du son de base, c'était Abner J. Ben, vraiment, totale découverte pour moi, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que c'est donc ? Alors, c'est un vieux bluesman des années 60 qui a été réédité sur un label de Portland qui s'appelle Mississippi Records. Et donc voilà, donc c'est un peu comme je te disais, j'aime bien l'idée qu'on dit de lui que c'est le premier one man band en fait. Donc, parce qu'il avait une grosse caisse, Avec une grosse caisse, il tournait dans son propre camion, il ouvrait le côté et il jouait dans des bleds. Et il jouait carrément dans son camion. Il avait son petit camion, son petit mobilhome qui faisait office de scène. Excellent. Et voilà, donc Pascal relaît vachement, il travaille Pascal beaucoup du label, de label Mon Cul C'est Fou. Donc ouais, donc il diffuse pas mal des sorties de Mississippi Records. Donc voilà, si vous avez la chance de croiser à la disco vinyle, à Pascal, ouais, en vinyle, tout en vinyle. Alors ça va de, il y a beaucoup de blues, il y a des groupes de punk oubliés, il y a des trucs de musique du monde, d'Afrique. Voilà, c'est super riche et super intéressant. Donc si vous avez, je sais pas s'il l'a mis sur le site, je suis pas certain de ça. Je pense que c'est uniquement dans la distro. Donc si D'accord. vous croisez la distro, Mon Cul C'est Du Tofu à un concert. C'est l'occasion de découvrir plein de trucs. Bien. Voilà, http://moncu.org et vous trouverez, on mettra les liens sur le site du Secret du Son là-bas pour ceux que ça intéresse. On va se quitter. Ouais. Hein, merci beaucoup d'être venu. Eh ben merci à C'était vous. C'était vraiment, vraiment, j'étais content là de cette première émission en public dans les studios NMEPL. Bonsoir. Ah ça y est, ils se réveillent un petit peu les Lorientais. On va se quitter avec The Dreams. Ouais. Tu peux nous présenter The Dream, c'est un groupe de Strasbourg, un duo que j'adore, c'est vraiment un de mes groupes préférés français. Et du coup j'ai choisi cette chanson parce que je sais pas, c'est pour moi la plus belle chanson d'amour. Voilà, voilà, bah c'est très très très bien. On se retrouve tout de suite sur la scène de Lorient des studios MAPL. Merci à toi Geoff. Merci. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. On était fan du disque, on est fan du personnage maintenant. C'est encore mieux. Voilà, on se quitte, à très bientôt dans le secret du son de base, The Dreams. On se quitte, une belle chanson d'amour. A bientôt, au revoir.